Leçon 2. Document 1, page 72. Oh, j'en ai marre. Quelle journée. Bonsoir. Bonsoir. Mais tu n'as pas fait les courses ? Si, mais je n'ai pas pu aller au supermarché. Je n'ai pas eu le temps. Et tu as été où ? À l'épicerie d'à côté. J'ai pris du café, des pâtes, du riz, de la farine et des œufs. Mais tu n'as pas acheté le jambon et le fromage pour le pique-nique ? Non, j'ai oublié. Tu sais, j'ai dû travailler jusqu'à 7 heures ce soir. Et après, je n'ai pas voulu aller au supermarché. Mais où tu as acheté ce bouquet de fleurs ? Il est superbe, non ? C'est un cadeau. Noémie, qui t'a offert ces fleurs ? Devine ! Je ne sais pas, moi ! Un homme ! Bon, ça va. Qui est-ce ? Tu le connais ! Il est gentil, élégant, charmant ! On a pris un verre ensemble cet après-midi. Oh, tu m'énerves. Moi, je travaille, je fais les courses, et toi ? Quoi, moi ? C'est mon père, idiot ! Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire ! Tu crois que je l'ai oublié ? Regarde. Oh, François, c'est magnifique.